Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de plusieurs sur antenne du 94 MHz, émission également diffusée avec un certain retard et un retard certain à partir du blog l'Asile, asile35.blogspot.fr. Et on va attaquer dans cette touffeur moite avec un programme un petit peu rafraîchissant de musique exotique et les Flaming Gods, un groupe originaire de Londres et de Bahreïn, qui est de retour avec un 45 tours qui est en version simple, single et aussi en maxi aux éditions londoniennes Moshi Moshi. Il y a d'ailleurs une application sous forme de jeu vidéo pour fêter l'événement. Et les Flaming Gods, c'est un groupe plutôt d'obédience un peu, je sais pas, post-animal collective, quelque chose comme ça, donc du psychédélisme avec pas mal d'instruments aussi ethniques. Ils ont publié à ce jour trois albums longs. Le dernier, Majestic, était sorti sur Soundway, qui était vraiment très très bon. Ils avaient donné quelques concerts d'ailleurs en France à cette occasion. Et on va écouter le titre Kewali, extrait de ce maxi ou 45 tours single du même nom du groupe Flaming Gods. On écoute ça tout de suite. Thank you. que je ne vous ai pas menti avec cette séquence de rafraîchissement et de maxi publié par deux labels londoniens au nom double d'ailleurs. Moshi Moshi tout d'abord pour le premier et ce maxi 45 tours Kewali des Flaming Gods, une formation londono-bahreinienne qui était enchaînée avec le duo Tomaga et là encore un maxi cette fois-ci sur un label qui répond au nom de Kaya Kaya Records. Tomaga qui est le groupe formé par Valentina Magaletti aux différentes percussions qui joue notamment aux côtés de Jaime, le projet électronique britannique, et Tom Relin qui lui est un membre de la formation The Oscillation qui pratique une sorte de post-rock un peu noisy, et ensemble ils forment ce Tomaga qui s'est fendu déjà de 2-3 opus longs, notamment aux éditions Hands in the Dark, le label qui est basé entre Besançon et l'Angleterre, et ils reviennent donc avec ce 45 tours Greetings from the Bitter End, qui est un 45 tours sur lequel Maxi, donc sur lequel il y a deux remixes d'ailleurs, un remix de Sheet and Shine, ce qui n'est pas très très étonnant vu que la batteuse officie aussi parfois au sein de cette formation, et Cavern of Antimatter pour un autre titre remixé, puis des invités tels que le soufflant Rick Tomlinson, donc quelque chose d'assez réussi ce maxi Greetings from the Bitter End de Tomaga. On va continuer toujours dans les rafraîchissements avec des musiques des années 70 de Zambie et cette très belle anthologie, ce florilège Welcome to Zamrock, sous-titré How Zambia's Liberation Led to a Rock Revolution, publié par le label Now Again Records. Il s'agit d'un volume 1 qui sera suivi d'ailleurs d'un deuxième opus qui paraîtra fin du mois de juin et qui est un mélange de sons donc issus de cette contrée qui a émergé à la fin des années 60, début des années 70, après avoir été colonisé par les Britanniques, et puis qui a fait pas mal aussi office de base arrière pour les mouvements de libération de Rhodésie du Sud, de Namibie ou encore d'Afrique du Sud. Et dans ce pays, entre 1972 et 1977, on pratiquait une musique assez psychédélique, entre de la guitare fuzz avec un côté un peu Hendrixien d'ailleurs, et du funk à la James Brown. C'est plutôt très très réussi, c'est pas du tout dans les musiques groove africaines qu'on a pu connaître, notamment aux éditions Soundway ou encore chez Analog Africa avec tous les différents doubles disques assez fantastiques qui ont été publiés tout autant autour de Cotonou, de Dahomey que d'autres contrées africaines dans le soul et le funk africain. Là, c'est vraiment une musique, on va dire, occidentale, revisitée par ces musiciens de Zambie. Et on va écouter le titre qui démarre cette anthologie avec la Ngozi Family et le titre Hi Babe. In the morning, I get some places. I meet some girl. I gotta say, hi, baby. Morning, I get to town. I meet some lads. I gotta say, hi, brother. Hi, brother. Come on. Can I tell you what the peace means? A man next to you is your brother. You gotta respect him. I got to Matero. I met some girls. I got to say, hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. When I wake up in the morning, I meet some boy, I gotta say, hi brother, hi brother, hi brother, I dig it, come on. Thank you. Dans les îles les plus sûres, avec cette séquence de librairie sonore un poil exotica, un poil rétro-futuriste qui a démarré avec ces musiques de Zambie et cette anthologie Welcome to Zamrock, How Zambia's Liberation Led to a Rock Revolution, volume 1, s'il vous plaît, publié aux éditions Now Again Record. Alors tout n'est pas d'un niveau assez exceptionnel sur ce florilège, mais il y a des petites choses vraiment dans le rock très très brut, avec une inspiration pas mal empreinte des années 60-70 pour ces musiques qui ont été enregistrées donc du côté de la Zambie, non pas de la Zambie, mais de la Zambie, entre 1972 et 1977, donc une sorte de musique très très brute, très rock primitive, Et on a enchaîné avec tout autre chose et la musique de Toy avec son premier album officiel à ce monsieur qui est un berlinois, un sound artist de Berlin, Sébastien Counts, qui avait déjà sorti un premier album mais en édition assez confidentielle. C'était sorti en CDR il y a de ça quelques années et cette fois-ci c'est les fameuses éditions Ghost Box qui sont de monsieur Jim Jupp et Julian House qui ne sont pas à leur coup d'essai dans les kitscheries sucrées un peu rétro-futuristes qui ont édité ce premier album officiel, on pourrait dire, donc avec ce titre qu'on entendait, Der Dumpf, Der Walter, quelque chose de cet ordre. Et donc ce premier opus de Toy qui répond au nom de Im Hag, voilà, c'est sorti chez Ghost Box, c'est très très recommandable. Et on a terminé bien évidemment par la musique de Gigi Perret, Jean-Jacques Perret, qui nous a quitté fin 2016. Et pas mal de choses sont rééditées par les temps qui courent, notamment ce Musique électronique du Cosmos qui était sorti en 1962 aux éditions Musique Cues, qui n'avait pas été réédité, du moins en tout cas en vinyle depuis lors, et ça va être chose faite début juin grâce au bon soin du label spécialisé dans les rééditions de choses psychées du monde entier, Wawa Records. Et je crois qu'il y a d'autres choses encore de prévues dans les rééditions de monsieur Perret, notamment ses frasques aussi dans les années 50-60 sur le fameux instrument avec lequel il est devenu célèbre. Il a même fait une tournée américaine à l'époque et puis il est resté aussi aux États-Unis pas mal dans les années 60. L'andioline de Monsieur Génie qui était l'orgue assez magique qui imitait les voix humaines avec un côté assez hilarant qui montrait un petit peu comme une sorte de bête de foire. Et donc Jean-Jacques Perret et son andioline. Il y a un disque de prévu aussi au mois de juin sous l'étiquette Forgotten Futures avec des inédits, semble-t-il. Donc ça fait toujours plaisir. Différentes choses qui sortent de Monsieur Perret. Il n'y a pas d'anthologie de coffret à venir avec des inédits et un coffret peut-être à un prix assez praticable, mais plutôt des éditions vinyle qui rééditent un peu ces différents opus qu'il a pu enregistrer à partir de la fin des années 50, début des années 60. On se souvient qu'il y avait eu Prélude au sommeil aussi qui avait été réédité par Trunk Records fin 2016, quasiment au moment où Monsieur Perret cassait sa pipe. Et sans doute pas mal de ces disques aussi qui l'ont rendu célèbre aux éditions Vanguard, et notamment ce fameux Amazing News Electronic Pop Sound of Jean-Jacques Perret. Voilà, on va continuer un peu dans le même registre avec le retour du fameux BBC Radiophonic Workshop qui a laissé tomber le BBC. Ils se font appeler maintenant The Radiophonic Workshop, qui est un collectif londonien qui s'était formé à l'initiative de Daphne Oram et Desmond Briscoe fin 50, qui avait beaucoup illustré les musiques de la BBC. On se souvient bien évidemment du fameux générique de Doctor Who, que je ne vais pas vous imiter à l'antenne. Et puis pas mal de disques s'en sont suivis, de musique d'illustration, tant pour la radio que pour la télévision britannique, des différentes chaînes de la BBC. Et le Radiophonic Workshop, c'est un peu des vétérans. Ils continuent à se produire dans le monde entier. Ils doivent atteindre à peu près l'âge canonique de 70 et quelques années, toujours aussi intéressé par la lutherie électronique, tant primitive que revisitée, et pas mal donc de musiciens qui subsistent. Il y a eu des disparitions, bien évidemment, comme Delia Derbyshire, la fameuse muse du BBC Radiophonic Workshop. Et il n'y avait pas eu de disque, je crois, depuis les années 80. Ce nouveau disque est un peu une sorte de célébration de l'art du Radiophonic Workshop. Il s'intitule Burial in Several Earths. Il s'agit d'un double vinyle produit aux éditions Room 13 qui fait un petit peu musique cosmique planante. Je vous laisse découvrir la musique du Radiophonic Workshop avec un titre à rallonge dont on écoutera une partie, donc il y a 5 pièces sur à peu près 1h10 de musique. On écoute le titre qui donne son nom à cet album, Burials in Several Earths. Thank you. principles when it comes to music. I go back to the Greeks and the original, the simple harmonic theorists. I think that's a very healthy thing to do for anyone. Séquence avec les sons électroniques du cosmos après ceux de Jean-Jacques Perret, cette fois ceux du Radiophonique Workshop, les Britanniques bien évidemment, qui sont une sorte de trésor national pour la perfide Albion dans tout ce qui fait de mieux dans les musiques électroniques inventives depuis une bonne cinquantaine d'années, on va même presque pouvoir dire 60 ans d'ici un an, ils vont pouvoir fêter leurs 60 ans. À l'époque, ils se faisaient appeler The BBC Radiophonic Workshop lorsqu'ils avaient été créés par Miss Daphne Oram, et avec ses fameux Oramix et autres lutheries sauvages qu'elle pouvait inventer à partir de la fin des années 50 et les années 60. Ils avaient aussi fait un peu les beaux jours des lutheries électroniques naissantes telles que les synthétiseurs EMS, Synthi 100 et autres, Fairlight, Yamaha, j'en passe, et pas mal d'autres. Leur son a bien évidemment beaucoup bougé selon le gré démarré de la Tamise, et pas mal de disques à leur actif, notamment dans les années 60-70, un petit peu moins après. Ils ont fait aussi leur bonhomme de chemin, et puis beaucoup de musique d'illustration sonore pour la téléradio nationale. Et on entendait donc un nouvel album, le premier depuis quasiment 25 ans, sous le nom de Burials in Several Earths, sur lequel on retrouve d'ailleurs un autre vétéran en la personne de Mr. Martin Ware, qui fit partie du son original de Sheffield de la fin des années 70, début des années 80, au sein de son combo The Human League, d'abord un groupe très très inventif et expérimental, et puis après un groupe qui a un peu parti en sucette du côté des charts et des tubes assez monumentaux. Et Mr. Martin Ware joue du Moog synthesizer modulaire ainsi que du Jupiter 8 sur ce nouvel opus du Radiophonic Workshop. On a enchaîné avec des sons issus des années 60 de Delia Derbyshire, avec des titres inédits en compagnie du Radiophonic Workshop, le morceau Wolves and Sheep, qu'on peut retrouver sur un florilège qui est paru lui un peu plus tôt au printemps sous le nom de Radiophonica, qui est une sorte de pot-pourri, mais alors de pot-pourri pour les fans du Radiophonic Workshop, puisqu'on y retrouve des choses assez étranges, des choses de différentes époques, puisqu'il y a eu pas mal déjà de choses éditées du Radiophonic Workshop. Donc c'est un peu les fonds de tiroir, on pourrait dire, mais quels fonds de tiroir, vous me direz-vous. On y retrouve notamment le Radiophonic Workshop en compagnie de Peter Howell, d'une formation qui s'appelle Dot Product, donc pas mal de collaborations avec Martin Ware et Steve Jones notamment. Et c'est sorti donc à Pâques sur un label qui répond au nom de Electronic Sound, ce qui est plutôt une très très bonne étiquette, et qui sort des choses plutôt dans les musiques électroniques vintage, mais vintage fin 70, années 80, des choses telles que John Fox, et aussi des 45 tours split de New Order. Voilà donc pour le Electronic Sound, label londonien, jeune label londonien qui vient d'éditer ce florilège du ex-BBC Radiophonic Workshop. On va continuer avec tout autre chose et un musicien qu'on aime beaucoup dans les îles Pussures, dont je vous ai pas mal rabattu les oreilles ces dernières années. Il s'agit du contrebassiste autrichien Mike Maschkowski, qui vit à Berlin et qu'on avait pu connaître pour des disques de contrebasse avec un rapport au silence et aux textures sonores assez fantabulesques, un mélange entre du Morton Feldman et une approche très très inventive et très oblique de la fameuse grand-mère, la contrebasse. Et Mike Maschkowski est aussi quelqu'un qui produit des disques, on pourrait dire, d'art sonore assez singulier, dans lesquels il combine ses sons de contrebasse à différentes ambiances typées field recordings, vibraphone, synthé analogique modulaire, ce genre de choses. Et il revient avec un nouvel album vinyle aux éditions Astral Spirits, le fameux sous-label de Monophonus Press, qui sort plutôt des cassettes d'ordinaire dans les musiques free et très très inventives. Et de temps en temps, il se fend d'un vinyle très bien senti à l'image de ce Days and Other Days. On écoute Mike Mashkowski. c'est le genre de musique que je pourrais écouter des journées entières. Figurez-vous, on entendait monsieur Mike Machkowski avec deux disques jumeaux pour le prix d'un. Deux disques d'ambiance assez proche finalement. Tout d'abord le Days and Other Days, qui est un disque qui a été publié par le label d'Austin Astral Spirit, subdivision de Monophonus Press, qui tend peut-être un peu plus vers une musique un peu abstraite, celle du disque publié juste avant, deux disques qui sont sortis coup sur coup. Celui-ci, c'est Swimming in Light, qu'on vous avait proposé déjà il y a de ça quelques semaines dans l'émission que nous avions faite en compagnie de Heroeskin, mais on avait entendu juste un extrait de ce très très beau disque aux éditions Entract, qui fait pas mal penser à la musique de The Next, les compatriotes de Mike Machkowski qui vit à Berlin. Musique très très immersive pour l'été, voilà, pour faire le grand plouf dans la grande bleue, avec ce Swimming in Light, très très très beau disque, de même que le Days and Other Days. Alors j'espère qu'il arrivera à reproduire ce genre d'ambiance très très chatoyante lors des prochaines tournées et concerts qu'il fera un peu partout en Europe, et notamment cet automne. On aura certainement l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans l'Asile le plus sûr. On va continuer avec une musique un poil plus urbaine, on pourrait dire. Il s'agit de la rencontre entre Fred Friss et Hans Koch, qui fait partie notamment des ensembles de Barry Guy, qui est un musicien qui joue différents saxophones et aussi de la clarinette basse, et qui donc fait aussi de l'électronique d'ailleurs, et ce depuis les années 80 en compagnie de quantité de musiciens. Avec Fred Friss, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. En tout cas, ce nouvel opus est vraiment très très bon. Il s'intitule You Are Here et il est sorti par l'étiquette de Miss Irène Schweitzer, Intact Records. C'est sorti fin avril, ce très très beau disque. Et on va écouter tout bonnement, figurez-vous, la première pièce de ce You Are Here, Just a Crack, par Fred Friss et Hans Koch. Thank you.

Thank you. jusqu'au bout de ce titre très très cinématique de l'excellent Workshop de Lyon, les musiciens qui créèrent l'association pour la recherche du folklore imaginaire, collectif donc de Lyon qui se faisait appeler le Free Jazz Workshop précédemment. Là, il s'agissait d'un extrait de La Chasse de Shira Charibad qui était sorti en 1975, à peu près à la même époque où ce fameux Workshop de Lyon collaborait aux côtés de Colette Magny pour l'excellent Visage Village. Et donc précédemment, plusieurs disques étaient sortis sous l'étiquette Free Jazz Workshop, notamment un disque en 73 Interfréquence. Ils étaient un tout petit peu en retard par rapport au Coelmec Ensemble qui a été réédité récemment aussi, qui avait sorti ses premières frasques au début des années 70. En tout cas, un collectif qu'on a suivi beaucoup, notamment dans les années 90, avec quantité de musiciens qui sont passés au sein de l'ARFI et des différents projets entre le Marvelous Band, la Marmite Infernale, j'en passe, et quantité d'autres tout aussi excellents les uns que les autres. Et pour le Workshop de Lyon, des musiciens, certains sont disparus, notamment le saxophoniste Maurice Merle, Jean-Paul Autin aussi était l'autre sax, Louis Clavis, également Jean Hausner de temps à autre, Jean Bolcato et bien évidemment Christian Rollet, le batteur, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une interview dans le fameux livre Agitation Frite, témoignage de l'underground français de Philippe Robert, excellent livre édité aux éditions Lenca Lente. Et Christian Rollet, c'est aussi le père de Quentin Rollet qui s'occupait du label Rectangle dans les années 90 aux côtés de Noël Achoté et qui joue dans quantité de projets et qui a ressorti les différentes pièces de ce workshop de Lyon, Free Jazz Workshop, pour fêter leurs 50 ans. Donc une anthologie sextuple CD avec pas mal d'inédits, des lives notamment des années 70 qu'on n'avait pas pu entendre vu qu'on était à peine né dans ces années-là. Et donc excellent coffret aux éditions Bisou Records dont s'occupe Quentin Rollet, très très beau nom de label sur lequel il a sorti également un duo aux côtés de Thierry Mouler et aussi Gedalia Tazartes avec un disque vinylique qu'on vous avait proposé dans cette même émission qui touche à sa fin. Il me reste à vous rappeler qu'elle est réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter avec un tout court extrait d'un disque très très long. Il fait pas loin, la pièce fait pas loin de 90 minutes. Il s'agit de ce morceau d'anthologie de Tony Conrad qui vient d'être réédité aux éditions californiennes Superior Viaduct en double vinyle 10 Years Alive on the Infinite Plane, qui était une performance enregistrée au fameux club lieu d'art The Kitchen de New York dont s'occupait Mr. Rhys Chatham. Il y aurait toute une histoire à écrire sur les musiques minimalistes qui sont passées au Kitchen de New York, et on retrouvait le violoniste ex-membre du Dream Syndicate de la Monte Young et Marianne Zazila aux côtés du même Rhys Chatham et de Laurie Spiegel qui jouait différents instruments à cordes de la fabrication de Tony Conrad. Et un disque, donc une session qui avait été enregistrée quasiment la même année que monsieur Tony Conrad avait produit aussi le Outside the Dream Syndicate aux côtés des membres de Faust. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you. Thank you.